Toujours à la même occasion, les cadres des organismes locaux du parti et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des usines, des entreprises, des fermes et des écoles, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les travailleurs, jeunes et enfants, ont fleuri le 27 juillet les statues des martyrs, les cimetières des martyrs, les monuments à la mémoire des martyrs de l'armée populaire et les tombeaux des martyrs dans tout le pays.